Donc, si vous voulez bien, on va essayer de se mettre dans le jeu. Il nous faudra un nom. Ah oui, j'aimerais autant, oui, effectivement. Ok, moi, mon colosse va s'appeler Yom. Et Shiryu, Lori? Si t'as pas d'idée, ce qui peut être rigolo, c'est que ce soit Julien qui donne un nom, vu que c'est quand même visiblement lui qui t'a recueilli, tu te rappelles de rien de ce qui s'est passé avant que tu le Tiens, connaisses. Julien, hop. Pour te donner un nom, il faudrait que je sache un petit peu à quoi ton personnage ressemble. Ça va se passer où? Alors, je pense que votre groupe de nomades, ça va être des gitans. Ça va être des gitans. Et du coup, ça va démarrer à Noirmont-Ferrand, donc en Auvergne. Et je pense que le groupe de gitans a prévu de descendre vers Lourdes. Eh bien, à quoi je ressemble? C'est un homme plutôt élancé, plutôt vif. Et je vais pas dire asocial, mais pas loin. T'as pas l'impression qu'il est là en fait avec toi quand t'es à côté de lui. Il regarde les oiseaux, il regarde les feuilles qui bougent, mais il regarde rarement les personnes dans les yeux. Ok. Je vois un mec qui regarde les oiseaux à 1000 vôtes, c'est genre un oiseau qui passe du genre crac ou casse. Oh, c'est magnifique. Disons qu'il regarde des trucs. Que tu sais pas forcément ce qu'il regarde d'ailleurs. Mais il sait pas s'il a conscience de ta présence ou pas, et tu sais pas trop s'il a conscience de sa présence non plus, à vrai dire. Je pense que je vais t'appeler Saint-Jean. Ah bah voilà. Ok. Juste pour info, hein, le fait que vous êtes des grognards. Bon, évidemment, vos personnages ont des tas de défauts, mais je pense que les figurants sentent tout de suite que c'est des mecs qui plaisantent pas et qui sont des vétérans en fait. Je pense qu'il y a un truc comme ça que vos persos dégagent, que forcément on sait qu'on n'a pas affaire à n'importe qui quoi. Bon, après, vous êtes des vétérans au niveau 1 quoi. Voilà. Comme des D4, hein. Vous êtes des héros, niveau 1. En fait, je pense que vu comme je le vois. Ça veut pas dire que, parce que le niveau 1 dit D4, je vois vraiment que le mec qui débute dans la vie d'aventurier et qui est tout naïf, quoi. Et La DD4, c'est la version où tu es le plus fort au niveau 1, hein. Ouais, ok, bon, Par ils vont rapport dire ça, au... c'est Par ma rapport au... vision des niveaux d'avant. Je pense que la vision que j'ai là d'un perso dans ce jeu là qui débute, c'est plutôt qu'il démarre et il est fatigué, quoi. Il est dans un état, en fait, il démarre vraiment où Il a c'est le mauvais vécu. espace pour lui, quoi. Donc vos persos sont creux. Effectivement, ils sont pas en forme, puisqu'en fait on voit que le passage de niveau c'est pas tellement un apprentissage que une remise en forme en fait. Et là on va dire qu'ils sont, c'est surtout qu'ils sont dans un niveau d'énergie qui est bas quoi. Limite, on était plus fort avant. Possible, ouais, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, ouais. Mais vous avez un potentiel de résilience qui est important quoi. Ah mais j'aime bien ça, moi. Ça me plaît bien l'idée d'un personnage qui a bourlingué, qui a beaucoup beaucoup souffert, beaucoup vécu, et qui va peut-être retrouver une partie de ce qu'il était autrefois. C'est assez sympa ça. Ok. Donc, démarrage du jeu, on va démarrer Cash dans la caravane de Gitan. Donc, au début, vous êtes comment? Vous êtes dans la roulotte de tête avec le vieux Gitan, donc qui est le chef de la caravane. Et puis sa femme. Non, attends, je vais inverser, c'est plus rigolo. Le chef, en fait, c'est une vieille. Et son mari, genre, son mari, il a 15 ans, quoi. Donc c'est un jeune bohémien plutôt bien fait de sa personne avec des yeux quand tu regardes t'as toujours l'impression qu'il veut te voler quelque chose quoi. Et donc la vieille gitane elle a quand même une réputation de sagesse quoi, hein, c'est une vieille gitane aveugle. Donc vous êtes dans la roulotte en fait qui est là on est en train de rentrer dans Noirmont-Ferrand. Donc Noirmont-Ferrand, c'est une garnison au milieu de l'Auvergne. Donc c'est la seule chose qui ressemble vaguement à une ville dans le secteur, et elle est tenue par des bargeots qui s'appellent, enfin une milice en fait paramilitaire qui est aux ordres du colonel Boutefeu. Donc par les fenêtres de la roulotte, ce que vous pouvez voir, c'est en fait, là, vous êtes en train de passer devant un poste de garde à votre droite, hein, que vous voyez par les fenêtres de la roulotte. Par la fenêtre de la roulotte aussi, vous voyez l'arrière de la caravane, quoi. Et sur votre gauche, il y a un marché, quoi. Hop, tac, tac, tac. Donc on va démarrer gentiment avec un temps de placement. Alors, je me rends. Du coup, qui est-ce qu'elle a la quels sont vos scores de clairvoyance? 13, 7. Ok, donc Laurie, c'est toi qui es le coordinateur. Donc tu vas donner les ordres de jeu. Donc sachant que là, pour le moment, j'ai juste le comment, la vieille, le mari et vous deux. Tu veux que je déplace ou tu... C'est en fait tu me donnes leur ordre de l'ordre de tour en fait. D'accord. Eh bien moi... Donc ça. Sachant que c'est toi qui dois noter et annoncer l'ordre, hein, ouais, ok. Ensuite, alors sachant que celui qui finit le tour sera le coordinateur du tour suivant. Donc ça D'accord. pourra, ouais. Ensuite le mari, la vieille, Guillaume. Ok. Donc du coup, bah Saint-Jean, alors je considère que pour que ce soit votre faction qui vous file des missions gratuites. Non, bah en fait, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous venez juste d'intégrer la caravane? Ça me va, ouais. C'est-à-dire que en fait, vous avez pu voir ça comme une opportunité intéressante. En fait, les gitans, ils ont toujours besoin de gens, quoi. Et donc, en fait, vous venez d'avoir une audience et là, en fait, ça débute. Vous rentrez dans la caravane et en fait, ils vous accordent une audience. Le simple fait qu'ils vous aient reçu, ça prouve entre guillemets qu'ils vous accordent du crédit, quoi. Ok. Ok, donc Saint-Jean, je t'écoute. Donc là, tu fais l'entretien, c'est ça? Ouais. Ok. Donc sachant que ouais, bah dans la caravane, il y a tout un tas de bric-à-brac, il y a des animaux empaillés, il y a du matériel de jongle, il y a aussi un coffre qui doit visiblement être plein d'or, quoi. Et il y a une espèce de singe dressé qui n'arrête pas de se balader dans les cheveux de la vieille et qui crache sur son mari. On dit que vous partez loin au sud et on sait que les routes sont des plus dangereuses. Il serait fort utile que vous ayez quelqu'un d'expérience pour vous accompagner. En effet, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme type de service? On dit que je peux faire l'affaire. que comme vous, je peux voir ce que les yeux ne voient pas et sentir les dangers venir. On dit qu'avec moi, les routes sont plus sûres. Ok, bah écoutez, là on doit d'abord traverser les morts plateaux, éventuellement pour déjà pour un peu tester ce que vous savez faire, on vous fera partir en éclaireur quoi, baliser le terrain. Ça vous va comme façon de fonctionner? Ouais. C'est quelque chose qui convient. Ok, alors ça en grosso modo c'est une mission solo, ça implique que vous allez en avance de la caravane quoi. Donc vous avez perdu tout le renfort de la caravane s'il y a un pépin. Et du coup je vais en faire une mission à 4. Donc sachant que Yom et Saint-Jean, vous pouvez tous les deux vous noter la mission. Hein. Ou alors il n'y en a qu'un qui la note, c'est comme vous voulez quoi. Donc repérage en note. Ouais. Donc, pendant ton tour, tu peux faire pas mal de choses. Là, en fait, en l'occurrence, on t'a pour ainsi dire rien fait parce que. C'est-à-dire que comme t'es avec la personne qui te file les missions gratuites, ça te coûte, ouais, ça te coûte rien d'avoir une mission de sa part. Je considère que c'est des figurants alliés. Enfin, elle, la vieille, c'est un allié. Ouais, la vieille, c'est un allié. Je suis cash avec ça. Donc, t'as pour ainsi dire rien fait de ton tour. Tu peux faire plein d'autres trucs. Par exemple, tu peux dire, bah, je finis mon tour et je, comme j'ai rien fait entre guillemets, tu peux récupérer 3 points de réserve. Que je mets où? Et que tu mets où tu, alors que tu mets où tu veux. Je vais vérifier quand même cette histoire. Mais ouais, je pense que ouais, dans n'importe quel tour, pendant n'importe quel round, si tu fais rien, tu dis bah tu peux dire je récupère 3 points de mémoire ou 3 points de dex ou ce que tu veux quoi. Eh ben tiens, adjugé. Ok. Et donc après c'était qui? C'était le mari. Ok. Le mari il fait bah écoutez il y a une chapelle comment il y a une chapelle d'ermite qui est un peu plus loin là et qui contient une relique moi j'aimerais que vous la voliez et on pourra la revendre à Lourdes comme ça. Donc la relique en question, c'est des larmes du Christ qui permettraient de faire plein de choses quoi. Le mari vous fait comme ça, ça n'a aucune efficacité, hein, mais bon, on sait qu'on pourra la revendre à un très bon, un excellent à Lourdes. Ah mais ça porte malheur de voler des reliques là comme ça. Bah écoutez, vous êtes notre assurance vie en cas de malheur. Dois-je comprendre que vous n'acceptez pas cette mission? Je vais pas parler pour Saint-Jean, mais moi les reliques, je m'en méfie comme de la peste. Hein. Mais je vous dis, c'est de la Kaamelott, ça ne fonctionne pas. Soyez surpris de savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Hein. Bah bon, c'est normal qu'à votre âge. Bref. Bon, écoutez, mon gars, faut savoir quoi. Vous travaillez pour nous ou on travaille pour vous? Enfin, je veux dire, on vous file des missions, ça vous les acceptez, quoi. On m'a demandé de sécuriser le voyage. C'est pas en volant une relique que le voyage sera plus sûr. Ok. Donc, du coup, vous prenez pas la mission? Non. Non. De toute façon, j'ai plus. Voilà, j'ai plus de place non plus. Ah, vous avez plus de place du tout, ni un ni l'autre. Bah non. Ça roule. Ok, bon, bah, d'accord, mais je le note bien, je note bien que vous voulez pas faire ça. Donc ensuite, il y a qui? C'est Ayum. Ah non, c'est la vieille, pardon. Couper le micro. Non, non, non, c'est en fait la vieille, elle essaye de percer Yom à jour. En fait, tac. Elle veut savoir s'il est gastromancien, en fait. Sachant que du moment si elle sait que vous êtes gastromancien, il est très, très fort qu'elle vous laisse pas faire la bouffe pour la caravane. Tac, donc du coup je vais lui acheter hop hop hop hop elle me coûte donc elle va attaquer, je pense que pour ça c'est Grégor. Ok. Moi je t'attaque. Alors, je t'attaque. Ta défense, ça va être comment? Ça va être la clairvoyance. Et puis, il n'y a pas de cible en l'occurrence, parce que c'est juste. Elle veut. Ah, remarque. Ah non, je pense que pour savoir ça, il faut qu'elle te fasse tomber en vulnérabilité. Donc du coup, elle commence à te, ouais, en fait, elle commence à te bombarder de questions sur la cuisine. Oui. Et donc elle t'attaque. Ta défense, ça va être comment? Ça va être la clairvoyance pour la baratiner en fait. Et la cible, ça va être le moral. Donc si je te fais tomber en vulnérabilité en morale, eh bien comment Avouer. tu vas avouer. Te faire démasquer. Ça marche. Donc sachant que tu peux dire bah j'utilise ma carac défense, donc tu m'annonces j'ai tant clairvoyance, Oui. ou alors tu peux chercher à lancer les dés. Donc Oui. pour lancer les dés une fois, il faut tout simplement décrire ce que tu fais, quoi. C'est y a juste une obligation, on va dire, de description, mais il n'y a pas une obligation de qualité, quoi. Et si tu veux lancer deux fois les dés, Il faudrait que je c'était lui. Clairvoyance, te dit. Oui. ouais, lancer deux fois les dés, normalement il fallait faire un stratagème. C'est un peu compliqué. C'est le truc que t'as dit en début là, Ouais, double en fait, pièce. parce qu'on avait vu avec, en fait, si tu veux faire un stratagème, il faudra que tu demandes un défaut, quoi. Oui, c'est ça. Tant que t'as pas trouvé de défaut, tu pourras pas faire de stratagème. À quel de type? Bah, on va considérer que pour tester, je demande de vous savoir son défaut. Par exemple, à quels arguments elle serait sensible ou ce genre de choses, quoi. Ouais, donc ça te coûte un point de cla. Ouais. La vieille, alors son défaut. En fait, son défaut, c'est qu'elle est aveugle. Mais vrai, en fait, ouais, elle est aveugle et plus que ça en quelque sorte, parce que par exemple, il y a quelque chose qu'elle ne voit pas, c'est la duplicité de son mari. Ok. C'est-à-dire que ouais, le fait qu'elle soit aveugle quelque part la rend un peu superficielle, dans le sens où elle est capable, en fait, souvent elle regarde le visage de son mari avec sa main. Ouais, tu vois ça, quoi. Et du coup, tout ce qu'elle retient, c'est que son mari est beau. Mais il voit pas D'accord. que son mari a en permanence un sourire narquois sur le visage. Voilà, c'est ça son défaut en fait. Elle voit la surface, elle voit les choses uniquement à la surface. D'accord. Donc elle commence à dire voilà, qu'est-ce que vous avez comme ingrédients, vous faites quoi comme type de cuisine, est-ce que vous cuisinez avec vos mains ou avec votre cœur? Je cuisine ce que je trouve sur la route en général, hein, ce qu'on arrive à tuer. Je cuisine avec ma marmite et avec ma main, parce que j'en ai qu'une. Et voilà quoi. Pas très compliqué comme gars, moi, de ce point de vue-là, hein. Ok, donc là, sauf si tu complètes par quelque chose, mais pour moi c'est juste une description, donc tu vas acheter 3D. Ouais, on est d'accord. Bah, je te laisse D'ailleurs. l'acheter. Parce que là, en fait, Ouais. tant que tu... enfin, à moins que tu dépenses un point de cla, tu peux pas savoir combien là on a Grégor. Grégor, c'est sa caract d'attaque. Non, non, mais je vais lancer les dés. Ok. Et j'ai fait 11. Voilà. Eh ben, c'est pas assez. Tu perds 15 points de morale. Ah! Comme ça, tu sais combien là. Oui, c'est Ouais, vrai. absolument. Alors, 15 Ah points de oui, d'ailleurs, je me rends morale. compte que je devrais procéder autrement. Je devrais demander combien il te reste de réserve et te dire que tu arrives à zéro. Je le ferai Est-ce que je prochainement. dépasse zéro ou pas? Non, en fait, le zéro, tu tombes en vulnérabilité. D'accord, c'est ça. Donc je suis à zéro, évidemment. Donc du coup, bah, elle capte que t'es un gastromancien. Elle dit, je vous préviens tout de suite, interdiction de faire la cuisine à qui que ce soit dans la caravane. Oh, je sais me tenir, madame. Bah, je vous allais. Mais bon, du coup, le mari aussi l'a capté. Hein. Bon, elle est peut-être facile à duper du fait de sa cécité, mais le mari aussi sait que t'es gastromancien, quoi. Ok, donc il reste le tour de Saint-Jean. Non, Alors, non, de Yom. de Yo, mais faut pas que je les confonde. Ouais, bah, je suis un petit peu dépité du coup, hein. Quand est-ce qu'il bascule, c'est au début de son tour ou la fin du tour du round? C'est la fin du round. Qui bascule Sur qu'on sa caractère. ouais qui bascule ah oui effectivement c'est au début alors c'est à son prochain round en fait à son prochain donc c'était à combien là en morale dis-moi J'étais à 8-8 et là je suis à 8-0 du coup. t'as 8-0 et tu passeras à 7,7 au Ouais, début de ton prochain tour c'est ça veut ça. dire que tu es en vulnérabilité jusqu'à ton prochain round. Ça veut dire que est-ce que je peux, par exemple, fermer ma gueule, accepter ces instructions, donc ne rien faire, donc récupérer 3 points que je mettrai en morale et pas tomber à 7? Oui, sachant qu'il y a une autre façon de récupérer, c'est qu'à tout moment, tu peux... Bon, là, effectivement, c'est plus intéressant de faire une récup. Mais à tout moment, tu peux dire... ah non, attends, je crois que c'est... Ah non, c'est pendant ton tour, ouais. Donc, ouais, effectivement, la seule façon de... pendant ton tour, soit tu fais ce que tu me dis là, récupérer Ouais. 3 points, ou soit volontairement... Ah bah attends, remarque ta vulnérabilité. Bah non, t'as vu... là, si tu fais rien au début de ton tour... autant pour moi, au début de ton tour, tu vas descendre à 7,7, puis voilà quoi. Donc ouais, bon là tu débutes ton tour à 7,7. Mais là, Je comprends. d'accord, dans cet ordre-là, je débute mon tour à 7.7. Ouais, c'est ça, oui, c'est dans cet ordre-là. D'accord. Ok, ça marche. Et du Ouais, coup, t'as un peu de petit mais marbre. alors, est-ce que ça marche à l'envers? Est-ce que si je fais rien, je peux récupérer 3 points et repasser à 8-2? Oui, tout à fait, ouais. On va faire ça parce que c'est assez logique. Je me suis fait un peu moucher, j'ai essayé de la bluffer, ça n'a pas marché. Ok, ça roule. Je boude. Il remonte à 8-2 ou 8-3? Ah oui, oui d'ailleurs, oui, je sais pas. Tu remontes à 8-3. 8-3. Ah d'accord, le passage à 8 coûte rien. Ouais. Oui, 0 c'est. Ouais, 0 coûte pas. 8-0, c'est pareil que 7-7 en fait. Ouais. Ok, ça marche. Donc c'est à moi de donner l'ordre pour la suite de la discussion, c'est ça? Ouais. Et il sera forcément en tête, lui. Non? Non. Ah bah c'est non, c'est lui qui décide sa position. D'accord, donc tout à l'heure, j'étais pas obligé de me mettre en tête Non, non t'étais plus. pas obligé. D'accord. Eh ben écoute, on va faire commencer la vieille. Ok. On va ensuite mettre Saint-Jean. On va ensuite mettre le mari. Et puis je vais boucler. Alors, je pense à un truc qui peut être intéressant. C'est que parce que la grosse question que j'avais c'était comment on passait d'un type de temps à un autre. Oui. Et donc je pense que c'est celui qui commence le tour en fait qui choisit en quelque sorte. Ok. Sauf situation où par exemple quand on est en temps de combat, enfin sauf si le combat n'est clairement pas terminé quoi. Mais bon là il y a tout lieu de penser qu'il peut l'être. Donc par conséquent la vieille elle fait bon bah écoutez vous avez quartier libre là comment voilà elle donne quartier libre à tout le monde et puis chacun va s'occuper de ses affaires quoi tac tac tac sachant que la vieille Bah tiens, mais je m'en compte, c'est assez marrant. Le fait qu'il a fait une attaque contre toi, ça devient un adversaire. Est-ce que je la maintiens adversaire? Bah écoute, oui, c'est aussi étrange que ça puisse paraître, mais je pense que c'est la logique. Elle fait rien, elle farme en fait. C'est-à-dire que, bon, tu vois, elle passe le temps de repos à rien faire. Temps de repos, c'est 4 heures, bah, environ, quoi. Et du coup, ça me rapporte un point d'adversité. J'ai une question là. Ouais. Quel est l'enjeu de la scène? Ben là, j'ai annoncé un temps de repos. Généralement, les enjeux sont liés au temps, quoi. Donc, l'enjeu, c'est se préparer, quoi. Se préparer au départ. En fait, je pense qu'elle dit, chacun, on se prépare un petit peu, puis après, la caravane va lever le camp, quoi. D'accord. Donc nous, on est censé aller repérer la route. C'était la mission qu'il nous a filée. Ouais, si t'estimes qu'il faut le faire dès maintenant ou que ça peut le faire quand la caravane va partir, c'est à toi de voir, quoi. Ok. Elle a fini la veille, son tour? Ouais, la vie est finie, ouais. Eh ben, écoute, moi je vais partir devant, hein. Ok, alors en temps de repos, tac tac tac. Donc, là, vous êtes au marché. Pour sortir de la ville, il faut franchir le. Alors, c'est pareil, hein, quand je vous dis des trucs, n'hésitez pas à me demander à détailler, hein, comme dans un jeu de rôle classique, hein. Moi, je vous dis ce qui est le plus communément admis, mais il y a peut-être plein d'autres solutions possibles. Il faut passer le poste de garde. Pour quitter la ville. Ouais. OK. Enfin, c'est une espèce de grande herse principale, quoi. Et puis ensuite, tac. Ensuite, on va arriver dans un marais, quoi. Bah, je demande à Yom. Enfin, je compte. Non. Il faut explorer la route avant que la caravane parte demain. Enfin, ils partent quand demain ou. Ils nous ont dit quand ils partaient? En fait, non, ils partent plutôt que ça. En fait, ils partent. Ouais, enfin, ils restent là jusqu'à. Ouais, aussi, je pense qu'ils vont partir. Ils vont partir le lendemain, quoi. Donc, ça peut faire. Enfin, grosso modo, ça fait l'équivalent de 2 tours de temps de repos, quoi. Un tour pour la. Non, ça fait 4 tours, quoi. Parce que du coup, la nuit peut durer 3. Une nuit, c'est 3 tours de repos, quoi. Donc ça fait 4 tours, quoi. Que si on fout rien, on récupère en fait, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Guillaume, tu as accepté aussi la mission? Ouais. T'en penses quoi? Bah, je pense que ça va pas être de tout repos, que si on rejoignait la caravane, c'était pour pouvoir voyager tranquille. Mais bon, c'est un peu le prix de notre passage. Mon avis, c'est marais. Enfin, je connais pas trop le coin, quoi, mais on a plutôt intérêt à voir si on peut pas récupérer des trucs au marché pour les traverser plus facilement, puis après on essaye de leur tailler une route et on les rejoint. Enfin, cela dit, moi, j'irai pas dans la nuit dans les marais. Hein. Oui, il doit bien y avoir une route, un chemin existant. Ouais, s'il n'y a pas d'arbres qui sont tombés dessus, s'il n'y a pas eu de crue, s'il n'y a pas des animaux qui. Alors, chemin existant, ça te coûte un point de même. Donc, en fait, s'il y a. À Comment? qui? Ah, bah, toi, Laurie, c'est toi qui as émis l'idée. Du coup, il y a. Comment? Il y a aussi peut-être moyen, alors c'est faire un gros détour, mais il y a peut-être moyen de passer par la voie déchue. La voie? La voie déchue, en fait, c'est les vieilles autoroutes. Après, ça contourne les morts-plateaux, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de voie carrossée le long des morts-plateaux. Donc ça fait perdre un petit peu de temps de voyage. Et le problème de la voie déchue, c'est qu'il y a des pillards. Et les plateaux. En fait, je vais essayer de discuter avec les villageois pour savoir effectivement la route qui serait la plus sûre, quoi. Ou à défaut de la plus sûre, de savoir effectivement les dangers qu'il peut y avoir sur les différents. Comme là, par Ok. exemple, ces pillards. Si on prend pas la route déchue, par où il faudrait passer et les dangers qu'il y aurait là-dedans, quoi. Ouais, donc tu te renseignes auprès des villageois. Donc Ouais. ça te coûte un point de clairvoyance. Et donc les mecs te disent que il faut surtout pas aller au mort-plateau. Que la zone est hantée, qu'il y a des horla. Et que personne, en fait, à moins d'engager comment. Pour un point de plus, ils sont capables de te dire comment de t'indiquer un pisteur qui pourrait quand même vous ouvrir la voie. Non, mais sous ma gueule, hein, je suis pisteur. Hein. Ouais, mais quelqu'un qui connaît les morts plateaux, quoi, qui a déjà Voilà. pratiqué, quoi. Et ben, j'ai rencontré le pisteur, mais je compte pas l'embaucher. Ok, Donc, ça roule. un point de plus. Ouais. Donc tu rencontres le pisteur. Le pisteur, il s'appelle Il s'appelle le vieux. Alors, je suis désolé, ça fait une vieille, un vieux. Et c'est comment C'est un mec qui est là sur le marché pour vendre des pots. Tu vois, c'est un trappeur, quoi, en quelque sorte, quoi. Et il est équipé, il est pas mal équipé. Il a un travois. C'est un truc que tu tires à dos avec pas mal de matos dessus, tout bâché pour qu'on sache pas ce qu'il a exactement comme matos. Et il a une calache en bandoulière. Alors là, on voit que le chargeur est enlevé parce que sinon il se serait fait passer à tabac par les mecs comment par les miliciens qui apprécient pas trop qu'un gars se trimballe avec une arme à feu. Et il te dit comment tu adresses la parole maintenant que tu l'as vu ou Oui, je vais tchatcher, donc justement, si je vais éviter les hauts plateaux, là, faut que Ah je bah lui prenne il la te dit c'est route. un guide pour traverser les morts plateaux, hein, c'est sa zone de prédilection. Hein. Après, si tu payes plus cher, il peut bien te guider dans d'autres régions, mais. Donc là, pour partir, c'est soit le noir plateau, soit la route déchue, c'est ça? Ouais. À moins de te renseigner plus avant pour avoir encore une troisième voie, mais pour le moment, c'est ça que tu connais. Non, bah. Et ça fait gagner. Enfin. Les noirs plateaux, ça fait gagner beaucoup en Ah oui, temps. ça fait gagner. Ah ouais, carrément, ça fait gagner un mois de trajet, quoi. Ah oui, et ben on va discuter avec le vieux. Savoir de quoi il faut que je me méfie quand on va traverser les noirs plateaux. Tu touches pas de ma gueule, enfin, soit tu m'embauches et je vous guide, sinon je vais rien te donner, quoi. Déjà, j'ai pas de thune. Ouais, mais tu travailles bien pour des types. Je vais pas embaucher un gars pour faire mon boulot quand même. Bah, ça s'appelle la sous-traitance. Ce serait quoi ton tarif? Son tarif. Eh ben écoute. Alors attends, j'avais dit 100 caps, ça faisait combien de cases? Un caps, c'est une case. Et ben sans case. Non, non, parce que c'est un peu logarithmique, je crois. Merde, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, en fait, ouais, c'est ça. Tac, une case. Bah en fait, avant de te répondre, il te demande pour qui tu bosses. Je bosse pour la vieille Gitane. Ah ok, ils sont nombreux, bah écoute, je te demanderai 500 caps. C'est l'équivalent de 5 cases de matériel lourd en fait. Et si tu peux pas payer avec du fric, eh bien je veux une nana pour tout le trajet. Donc c'est un vieux dégueulasse. Ok, je vais négocier ça avec avec la vieille. Très bien, qu'est-ce que tu fais d'autre ton temps de repos? Tu fais les 4 tours là ou c'est juste un tour ça? Non, c'est un tour là en bas, tu vois, c'est l'après-midi, tu te balades, tu fais des trucs quoi. Ben si j'ai le temps, je vais voir la vieille. Mais je pense que ça Ok. sera. Ouais, et qu'est-ce que du coup tu lui demandes pour avoir 500 caps, hein? Je vais la convaincre d'embaucher le gars, quoi. Ok. Donc elle te répond qu'ils ont pas 500 caps. Et là le mari il dit bah écoute on a qu'à les voler. Je veux dire moi j'ai entendu dire que comment j'ai entendu dire que en fait la Y a... vieille c'est pas ça qu'elle dit. Elle a 500 caps mais si elle donne ça ils sont à sec complètement quoi. Et le y a mari dit beaucoup. il y a qu'à les voler le colonel Boutefeu. Ils ont un trésor de guerre. Il y a beaucoup moins cher, il vous suffit de lui donner une nana pour tout le voyage. Vous êtes nombreux, il doit bien y avoir ça. Oh, mais la vieille, elle dit, alors attends, c'est pas question, je vais pas vendre mes filles à un inconnu. Sera pas un inconnu, il va voyager avec nous. Clairement, ça, elle peut pas accepter, sauf si tu l'as fait tomber en vulnérabilité, quoi. C'est qui là le colonel machin? Le colonel Boutefeu? Bah c'est le comment c'est une espèce de facho qui tient la ville sous sa botte quoi. Et il rançonne tout le monde donc bon après on suppose ils sont bons ils ont jamais fait de brigandage enfin je suppose qu'ils en ont fait par le passé mais là, actuellement ils en font pas. Mais bon ils rançonnent tellement tout le monde que je pense qu'ils ont un beau petit pactole hein. Ouais. De ce que vous avez pu voir dans la ville quand même c'est que les mecs ils avaient quand même plusieurs véhicules plusieurs jeeps. Et tout leur comment tout le tous les miliciens sont équipés de FAMAS. Hein. Donc c'est quand même effectivement c'est du lourd quoi. Façon, on compte pas revenir, hein. Ouais, la vieille gitane, je vous préviens, hein, si vous faites ça, on ira avoir toute relation avec vous. Enfin, je veux dire, si on se met à dos le colonel Boutefeu, on sera des ennemis très puissants. Ok, j'en discutais. Ça roule. Alors du coup, Laurie, Saint-Jean plutôt, est-ce que t'as encore des trucs à faire là, de ton round ou c'est bon? Je vais aller voir Yom. Ouais. Ouais. Pour 500 caps, on pourrait avoir un pisteur qui aura le mérite de connaître les plateaux traversés. Ouais, si j'avais une telle somme, je voyagerais pas avec des gitans, quoi. Voilà. Ah, je suis gouré, hein, c'est Après. pas 5K, c'est pas 500 caps, c'est 100 caps. Mais bon, ouais, c'est 500 caps, quoi. Mais bon, Après. Pareil que le colonel de Noirmoutier, il possède ça vu les taxes qu'il impose. ouais, ça m'étonnerait pas, mais t'as vu les gardes? Ah bon, si t'as un plan, bien l'écouter, hein. Après, on peut aussi faire un long détour. Ouais. Bah, c'est toi le pisteur, hein. Oui. Moi, je m'en remets à toi sur la décision. Si tu as besoin de moi pour quelque chose, tu me dis et on essaiera de faire ça de façon correcte. Mais t'en sais plus sur le magot du colonel Boutefeu? Pas trop, pourquoi? Comme il te reste un point de cla, tu peux aller te renseigner. Il me reste un point de cla. Bah en fait, tu as le droit à dépenser pendant un tour, pendant un round, tu peux dépenser que 3 points de la même sorte. Donc, par exemple, pour choper D'accord. des renseignements, c'est des points de cla. Tu en as déjà dépensé 2. D'accord. Tu peux griller ton dernier point de cla du round pour aller en savoir plus sur le magot de bout de feu, quoi. Ok, bah on va faire ça. Je vais pas en savoir plus sur le magot, mais je vais essayer d'en savoir un peu plus sur où il pourrait, enfin où il pourrait être. Je pense que c'est pas trop compliqué et comment je pourrais rentrer. Comment Alors, 5, s'organiser en fait. 3. Est-ce qu'il surveille plutôt la ville ou est-ce qu'il surveille plutôt son petit donjon Tac. est-ce qu'il redoute quelque chose de la population locale? Alors, en fait, il est le colonel, il est installé dans justement ce qui s'appelle une redoute. C'est une espèce qu'il a comment en fait il a récupéré des bouts de la cathédrale de Normont-Ferrand grosso modo il doit rester le clocher quoi hein. Ouais c'est ça hein, c'est donc il reste plus que le clocher là de la cathédrale de Normont-Ferrand et donc il est installé là-dedans quoi et donc grosso modo lui son QG c'est dans le clocher bah c'est au niveau des cloches hein, qu'il a installé quoi. Et visiblement, comme c'est mis, effectivement, bon, le message de bout de feu, ce que les miliciens n'arrêtent pas de répéter à tout le monde, c'est que les miliciens sont là pour protéger la populace, tout ça, ouais, ok. Mais dans la pratique, visiblement, c'est surtout, on rançonne tout le monde sous prétexte qu'on protège les gens. Bon, effectivement, on empêche les gros problèmes d'arriver, c'est-à-dire, essentiellement, on empêche que la ville soit la proie d'une attaque de pillards, quoi. Mais après, ils sont surtout, en fait, ils s'enrichissent sur le dos des mecs, et il est clair que Colonel Boutefeu, ce qu'il a le plus à craindre, c'est pas les attaques de pillards, c'est sa propre population. Et on voit bien que, en quelque sorte, c'est comme à Marseille où les canons ne sont pas dirigés vers la mer, mais ils sont dirigés vers le peuple. Ok, mais j'ai Donc, fini. l'endroit le plus fortifié de la ville, c'est même pas les entrées de la ville, c'est effectivement le repère du colonel Boutefeu. Puisque c'est dans un clocher, c'est en pierre, il y a plein de meurtrières, enfin de vitraux par lesquels ils peuvent poster des tireurs, quoi. Et puis le seul accès, c'est par le bas, il faut se taper tous les escaliers avant d'arriver au clocher. Donc c'est quand même une place, je dis pas imprenable, mais par la force, c'est quasiment illusoire, quoi. Ça peut, c'est peut-être prenable. Ok, bon, j'ai fini mon tour. Ok, tu peux me rappeler c'était à qui maintenant? Alors, c'est au mari. Ok, bon bah de toute façon le mari il va juste farmer là. Ok. Et ensuite, c'est à moi. Alors, que je vérifie un truc. Ouais. On a dit que la batterie de cuisine me permettait d'appliquer la gastronomancie à plusieurs personnes. Ouais. Tu m'as dit aussi que les rituels, c'était une case par personne. Ah oui, je suis con, j'ai fait doublon en fait. Voilà, je viens de m'en rendre compte, je sais pas comment ça marche, du coup. Ben rembourse-toi entre guillemets. Ouais, ou alors ça peut être un multiplicateur. Enfin, du genre, si j'ai pris le rituel pour 3 personnes, j'ai une batterie qui permet de faire Ouais, allez, sur 4 personnes, ça, ou 3 personnes, ça fait 9 au total, ou quelque Ouais, chose c'est comme pas ça. mal ça, Ouais, multiplicateur. ça me va bien. Ok. D'accord, donc du coup j'ai pas besoin de faire ça. Multiplicateur de rituel, c'est pas mal, ouais, je pense que ça c'est super. Ok. Bah, je vais aller faire un tour au marché Ouais. pour essayer de voir s'il n'y a pas des ingrédients intéressants qui pourraient me servir de composantes matérielles. Notamment dans l'idée que si on a besoin de effectivement appliquer ce plan de comment dire de casse de la réserve du colonel, ce serait bien que j'aie de quoi faire un super festin pour transformer ces hommes en cochons. Et donc essayer de trouver ça. Ça va être la première chose que je vais essayer d'aller faire. Ouais, bah écoute, c'est parce que en fait actuellement t'as pas les composantes matérielles pour faire ça. Bah, comme on les a pas vraiment définis, Ah j'ai oui, au fait, pas, tu te fais en, ouais, tu te fais en voilà. roleplay quoi. Ok, mais tu t'as déjà payé les cases pour quoi. Non, j'ai pas payé. Je viens de me rendre compte que j'ai pas payé les cases T'as pour, pas parce payé, que ok. voilà. Ça roule. Eh bien, en fait, pour transformer les gens cochons, il faut tout simplement. Donc, tu payes un point de cla, Ouais. ce que je suis en train de te dire. Il faut du cochon. Et D'accord. donc, tu trouves en fait comment il y a une grosse fermière en fait qui élève des cochons plus ou moins en liberté quoi. En fait, tu sais qu'il faut des cochons, mais des cochons particuliers, tu vois. Si tu chourres un cochon qui se trimballe en liberté, Ça marche c'est pas. juste mort, quoi. Et en fait, elle, tu la. Comment? Tu repères dans son enclos qu'il y a une mère truie. En fait, les mères truies, c'est des cochons intelligents, c'est des horlas, en fait. D'accord. Et tout simplement, il faut faire nourriture à base de. Il faut utiliser des abats de mère truie pour réussir à faire ta composante. Enfin, c'est des morceaux de mertruis, quoi. Bah, je vais aller la voir. Ouais, donc tu vois, en fait, il y a pas mal de ces cochons, c'est les cochons noirs, type cochons chinois, qui se trimballent, en fait, qui sont à vagabonder en ville, quoi. Et donc, ils se nourrissent sur la ville, quoi. Et elle, mais par contre, elle en a quelques-uns qui sont dans un enclos, notamment la mertruis. Elle te fait, ouais, bah, tu veux acheter la mertruis, c'est ça? Bah ouais. Enfin, reste à voir ce que t'en demandes, hein. Mais a priori, ouais, c'est ce qui m'intéresse là. Bon, écoute, la mertruie, en fait, c'est un figurant si tu l'achètes vivante. Et elle vaut 15 cases. Donc, c'est là où c'est vraiment infâme, en fait. C'est-à-dire que tu peux la trimballer. Est-ce que tu laisses montrer que t'es gastromancien ou pas? Écoute, c'est grillé auprès de la caravane. Non, je vais, enfin, non, je vais pas, je vais pas, je vais essayer de le cacher. Ouais, ok, ouais. Je vais essayer de le cacher. Voilà. Bon. Ok, donc je pense qu'elle suppose quand même que t'es sorcier, tu fais de la Ouais. sorcellerie, sauf que tu veux acheter une mertruie. Ah non, remarque, non, elle est pas obligée de le supposer. Non, non, elle le suppose pas, en fait. Pour un point juste que tu veux acheter. D'ailleurs, je pense. 15. Donc, grosso modo, ça coûte 15 cases, quoi. Donc, il faut que tu trouves de quoi troquer l'équivalent de 15 cases. Ok, qu'est-ce que ça peut être? J'ai du mal à me représenter. 15 cases. En fait, c'est infâme parce que ça te coûterait bien plus cher que de. Ou sinon, si, bah, c'est cher. Bah, c'est compliqué de récupérer ça, quoi. Il faudrait voler pas mal de trucs dans le marché. Ouais. T'as pas d'argent sur toi, donc. Non, non. Et elle vend pas. Elle a pas des conserves, elle a pas des bouts Alors, ouais, d'une autre si. comme ça. Bah du coup ça va être une case quoi, une case pour une case. La valeur quoi, allez, en grosso modo elle te dit c'est 20 caps, 20 caps la conserve. Écoute, ça me paraît pas mal. Je vais voir si je peux réunir la somme et je reviens, à moins que tu t'échanges un peu de travail contre une ou deux conserves? Bah ouais, tiens, pourquoi pas. Bah écoute, qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah écoute, Si tu acceptes de griller le reste de ton tour. Ouais. Ah, attends. Remarque, les travails, il faudrait que je mette un coup pour les travails. Un coup en case. Je pense que en temps de repos, trois cases, c'est en fait ça te bouffe un round. Si on veut, quoi. Sachant que t'as déjà débuté ton round, ouais, voilà, ouais. Du coup, elle te dit si tu pourras avoir pour trois cases de conserve, en fait, si tu passes le reste de ton round à curer à curer son enclos et puis à découper de la viande, des choses comme ça, quoi. Plutôt découper de la viande, curer l'enclos avec un seul bras, ça va pas être facile, ma belle, mais Eh ben, en fait, découper, bon. Après, si tu peux dépasser ta limitation. Hein. oui, bien sûr, mais pour l'instant Ouais. j'essaye de Alors, négocier. ouais, ce qu'elle te dit, c'est que pour découper de la viande, ça veut juste rapporter une case, quoi. Ah bon, écoute, hein, file-moi ta bêche et puis voilà. Ok, donc du coup, Un de Dex. tu payes un dex pour dépasser ta limitation. C'est ça. Et en fait, maintenant que j'y pense. Assez logiquement. Tu payes un de clat pour découper la viande et deux de dex pour curer le Ah curer le ouais, bah ouais. Ça va te ouais. crever hein. Ah ouais, non, mais ça me crève complètement, puisque je Ouais. passe à 4-4 en Dex. Ah ben je vais être chié en fait. Vas-y, vas-y, y a pas de souci. Parce que du coup, tu tombes en vulnérabilité. Bah oui, c'est ça. Et puis Attends, comment je pourrais faire? pareil en clas, hein, c'est pareil. Hein. Enfin, je suis un peu plus haut, mais c'est la même chose. Alors attends. Non, non, autant pour moi. Non, non, parce que je suis con, mais le fait que c'est des dépenses volontaires de ta part, tu peux pas tomber en vulnérabilité. Donc tu passes à. Tu me. T'étais. Ouais, donc Passe tu passes pas. Ouais, directement tu passes direct au niveau inférieur, quoi. ça marche. J'allais faire un truc, mais ça aurait été débile. Bah écoute, c'est toi qui Oh, mais vois, hein. remarque, je vais le faire, c'est rigolo. Du coup, en fait, alors je vais la Coup créer et 2. là, j'irai au tour suivant, en fait. Ok. De toute façon, tu as le droit aussi de me donner une vulnérabilité, enfin pas comment ça s'appelle, une faiblesse là, Ah ouais. En clairvoyance là. en clairvoyance, ouais, je passe à 6-6 là. En 6-6. Limitations. Ah, sa mère. Limitation. Perte ou limitation d'un sens, crédule, influençable, libertin, manque de jugeote ou stupide. Qu'est-ce qui pourrait être qui pourrait correspondre au perso? Je vais te mettre crédule. Ça marche? Alors, c'est-à-dire, comment ça va se passer? C'est que si à un moment un PNJ essaie de te baratiner, toi en tant que joueur, tu vois bien que c'est un gros mensonge. Si tu veux que le personnage le s'en rende compte aussi, eh ben tu claqueras un point de clat. C'est une D'accord. limitation en fait. Ouais, Oui. tout à fait. Ou non, non, remarque, au lieu de crédule, je préférais influençable. C'est pareil. Influençable. En fait, c'est un PNJ te demande un truc que toi en tant que joueur, enfin, tu dis bah non, je vais jamais le faire. Par exemple, la fermière profite de ta faiblesse pour coucher avec toi. Ouais. Alors, elle est pas du tout agréable. Hein. C'est clairement, c'est limite. Enfin, elle essaie d'abuser de toi. Si toi en tant que joueur t'es pas d'accord, et eh bien t'es obligé de dépenser un point de clat pour la repousser. Sinon, le perso, lui, il est prêt à se laisser faire, quoi. D'accord, ok. Super. Non, c'est trop fatigant déjà de travailler. Enfin, pas non plus. Hein? Ça Ah va oui, bah. là, on a beau avoir gardé les cochons ensemble, c'est bon. Ouais, bah très bien. Du coup, pendant. Tac, tac, tac. Ouais, de toute façon, non, elle le fait pas, hein, parce que c'est pas à son tour d'agir. Oui, bon, peu importe. C'était un exemple. D'accord, ça marche. Ok, du coup, il reste le mari, je pense. Non, il l'a fait avant moi. Ah oui, Donc c'est vrai, le mari l'a là, on passe farmé, la au... vieille aussi. On passe au tour Mais c'est... suivant. Et a Et du coup, priori... c'est toi, Yom, qui est le coordinateur. On est le soir. Bah, on va dire que je vais... Alors, sachant qu'en tant que coordinateur, c'est toi qui décides du temps. Ah non, c'est le premier du tour, t'as dit. Ah oui, c'est le premier du tour, effectivement. Donc, vas-y, coordonne. Qui décide de quoi le premier du tour? Il décide comment du temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste en temps de repos? Est-ce qu'on passe en temps de voyage? D'accord. On ferait une ellipse, en fait. Ou est-ce qu'on passe en temps de placement? Par exemple, un genre dire. On va escalader la tour de bout de feu, tu vois. Ce serait un temps de placement. Ok, bon, on va passer le mari en premier. Ensuite, moi, ensuite la vieille, et ensuite Saint-Jean, comme ça il aura l'occasion ensuite de recoordonner. Ah, s'il rajoute la vieille aussi dans les mecs que tu dois répartir. La vieille, La fermière. la fermière. Rajoute la fermière et rajoute le vieux. Je rajoute la fermière. Oula, oui, d'accord, alors attends. Alors on va dire la fermière, le mari, Yôme, la vieille, le vieux et toi. Attends, fermière. Fermière Marie. Mais de toute façon, je l'ai noté si tu D'accord. veux. Ouais, c'est à Julien de gérer ça. D'accord. Voilà. Donc fermière Marie, Guillaume, vieille, vieux et Saint-Jean. Ok, du coup, c'est la fermière qui commence. Du coup, en tant que fermière, je décide du temps où on est. On reste en temps de repos. Ouais. Et du coup, c'est vraiment juste pour le fun. Tac, je claque un point. Effectivement, la fermière, elle essaye de. Et elle te file, donc, elle te file tes bocaux de Ouais. pieds. Il y a un bocau de pieds de porc, il y a de la cervelle de porc, et puis Parfait. il y a des tripes de porc. Ça fait trop bocaux. Super. Et en fait, en te donnant ça, tu vois, elle te le donne, tu viens de finir de curer le truc à cochon. Au milieu de la mer truie, qui est clairement un animal vraiment malsain. Enfin, comment t'as l'impression que l'animal, tout en parlant, il grognait. Enfin, tout en grognant, il avait l'air de parler. Et donc, elle te file tes bocaux, puis elle fait, allez, j'ai bien droit à un petit supplément. Et donc, elle commence à essayer de te ploter, Et dis donc, quoi. ça va là, hein? Donc Oh. tu dépenses un point de clap pour Voilà. repousser ses avances. Repousser ses avances. Voilà, c'est tout ce qu'elle faisait pendant son route. Très bien. C'est donc au mari ensuite de nous dire ce qu'il fait. Je suppose qu'il fait toujours pareil. Je pense que le mari, il revient vous voir et il insiste encore sur l'idée de cambrioler la redoute du colonel Bout de Feu. Pour lui, il y aurait largement de quoi payer le trappeur, mais sans doute aussi enfin, se donner une marge pour tous les aléas du voyage, quoi. Bah ouais, mais faudrait mettre un plan au point. Ah bah ça c'est votre boulot, hein. Ah, tu veux dire que toi, tu veux que nous, on cambriole le truc. Ah bah oui. C'est ça son plan en fait. Et qu'on te file les thunes et que tu nous aides pas ensuite. Tu nous aides pas à le faire. Ah, je peux vous filer un coup de main, mais je vais pas y aller à l'intérieur. On peut faire diversion autour, c'est tout, quoi. Non mais que les choses soient claires, si on fait un truc pareil, les thunes, c'est pour nous, hein. Je vois pas pourquoi on te les filerait. Ok, ah, ok. Calmons-nous, calmons-nous. Du coup, je viens avec vous et avec comment. Natacha qui est une personne de confiance. Du coup, comme on est 2 plus 2, on fait 50-50. Voir avec Saint-Jean, ça me paraît correct. Juste une question, vous avez plus de place en mission pour l'attaque de la redoute, hein. Si, j'en ai deux, moi, c'est tout. Moi, non, non, non, j'en ai pas. Alors, si tu veux, tu peux mettre l'attaque de la redoute en mission gratuite pour 2 cases, quoi. Je suis pas bien sûr de l'accepter. Morale, c'est bien différencier le bien du mal, hein. Mais Non, carré. c'est ton moral, D'accord. comme le moral dans les wargames ou dans Donjons et Dragons, quoi. D'accord, où est-ce que j'ai vu ça? Ah si, remarque, si c'est mis ça, oui, effectivement. Ah. Capacité à distinguer le bien du mal. Attends, je vais énumérer. Volonté, courage, détermination, conviction, santé mentale. Capacité à distinguer le bien du mal et à choisir entre l'un et l'autre en tout état de conscience. Confiance dans les préceptes de sa religion et de sa faction. Oui, donc je peux choisir de faire le mal. Tout à fait. Pour l'instant, je ne l'ai pas accepté. Hein. De toute façon, le mari dit, enfin, c'est pas le mal, quoi. Je veux dire, la milice, c'est des bouchers, hein. C'est des, enfin, c'est des mafieux, enfin, il y a pas de, c'est des racketteurs, quoi. On fait que voler un voleur. Hein. Je suis d'accord. Je vais la prendre la mission. Ok, ça roule. Sachant que vous auriez, si vous attaquiez la redoute sans avoir acheté de mission. Ouais. Tout ce que vous aviez à récupérer en attaquant la redoute, c'était du loot, quoi. Et là, en fait, en plus du loot, si vous réussissez à attaquer de la redoute, tu vas gagner deux scores de mémoire, quoi. Ok, ça marche. Alors, est-ce que je peux réduire la mission perso que j'avais, par exemple, pour réattribuer des points sur cette mission-là? Ouais, mais ça te coûte. Alors, en fait, effacer une mission, ça coûte des points de Ouais. mémoire. Ouais, Donc si ouais. tu veux la réduire, ça va te coûter des points de mémoire, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta perception, ça devient moins important, quoi. Non, mais il n'y a pas de souci. Tant pis, c'est pas grave, hein. Ça sera bien comme ça. Ok. Ok, donc, si vous... Je m'adresse au mari et à Saint-Jean. Si vous voulez, j'ai... Comment dire? Bon, vous répétez pas, hein. J'ai récupéré de quoi influencer éventuellement les soldats. Si je fais un ragoût et que vous arrivez à leur faire goûter, ils vont être en gros une petite dizaine d'entre eux hors d'état de nous empêcher de faire ce qu'on veut. Ah, oh bah, ça me paraît pas mal, ça. Mais après, faut aller leur faire bouffer. Et c'est pour ça que je me disais que bah, peut-être que Natacha, Ouais, avant. Natacha, elle leur ferait bouffer des cailloux. C'est pas un Voilà. problème. C'est qui, Natacha? Alors, si tu veux en savoir plus sur elle, tu vas. Je considère que vous l'avez déjà croisée, donc tu vas claquer un point de mémoire. Et Ouais. donc, en fait, Natacha, si tu veux, c'est une jeune gitane qui fait, tu vois, qui fait des tours de saltimbanque. Elle fait de la jongle. Et clairement, il y a une. En fait, le mari la présente comme étant sa sœur. D'accord. Après, ils se ressemblent pas beaucoup. Elle est plutôt jolie, j'imagine. Je pense que joli est un ridicule euphémisme. Non, clairement, c'est une bombe, quoi. Ok. Et elle le sait, quoi. C'est toujours le tour du mari, hein. Non? Ouais. Ouais. Ah oui, c'était le tour du mari encore, pardon. Bah oui, bah, de toute façon, le mari, voilà. Bah écoute, ouais, bah écoute, il dit c'est cool. Et fais pas farmer parce que je considère que vu les circonstances, c'est plutôt c'est plutôt. Ouais, non, si, je fais farmer. Je vais vous dire pourquoi. C'est clairement, enfin, il n'est pas hyper fiable, quoi. Oui, et puis il espère bien nous doubler, j'imagine. Donc je considère que voilà, dès qu'un perso est pas méga fiable, en fait, c'est comme si c'était un adversaire, quoi. Donc du coup, je peux m'en servir pour farmer, quoi.